Jiffy des idées de génie. En ce moment chez Jiffy, la collection Toussaint est arrivée. Plaques, compositions florales, fleurs artificielles, bougies pour immortaliser les moments heureux. Le coussin chrysanthème à 4,99€ et le piquet de pensée à 69 centimes. Oui, 69 centimes. Le plaisir de se souvenir avec Jiffy. Jiffy des idées de génie. Pourquoi donc ce qui est aujourd'hui la Nouvelle-Aquitaine est-elle bien plus riche en vestiges préhistoriques que nombre de régions françaises ? L'homme s'y serait-il implanté plus précocement ? Ou tout au contraire, les sites archéologiques sont-ils mieux conservés ? Peut-être toutes ces raisons à la fois. En tout cas, la présence de karst a largement contribué à créer grottes et abris sous roche qui furent autant d'abris pour l'homme. Lascaux, Fongôme ou la grotte de la Moutte, au cœur de la vallée de la Vézère, en sont quelques exemples. Professeur à l'université de Bordeaux, Jacques Jobert appartient à une longue lignée de préhistoriens ayant étudié cette région. Ce qu'il nous propose aujourd'hui est une sorte de dictionnaire tout à la fois des sites, mais aussi de toutes les structures muséales qui permettent d'en savoir plus sur ce lointain passé. Jacques Jobert, bonjour. Bonjour. Merci d'être en duplex des studios de France Bleu Gironde. Vous avez donc dirigé ce livre intitulé Préhistoire guide de Nouvelle-Aquitaine est paru aux éditions Confluence, ouvrage rédigé par nombre de chercheurs. Jacques Jobert, l'Aquitaine serait-elle réellement plus riche que d'autres contrées et dans ce cas-là, pourquoi ? Ah, c'est une question qui revient assez souvent. Bah, la réponse est oui. Oui, il y a une densité de sites archéologiques et notamment préhistoriques un petit peu plus importante en Nouvelle-Aquitaine. Les raisons sont multiples. Hein. Après, la bête s'alimente elle-même. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a une recherche qui est très précoce, on identifie très tôt des sites préhistoriques. Hein. C'est pas forcément en Périgord. Il y a aussi la vallée de la Somme. Mais le Périgord est un des fiefs de la recherche la plus précoce au début du 19e siècle. Et donc, à partir du moment où on identifie ces sites, ça attire d'autres chercheurs. Il y a une espèce d'attraction documentaire. Et puis, ces sites étant très spectaculaires et assez faciles à trouver aussi, assez faciles à identifier. Par exemple, les escarpements de la région des Ésiles, les fameuses falaises, mais en fait c'est pas des falaises, ce sont des escarpements. Les escarpements des Ésiles sont assez faciles d'accès par rapport à d'autres, par exemple en Quercy ou en Ardèche, qui sont dissimulés sous des dépôts de pente un petit peu plus difficiles. Et donc c'est dans un second temps qu'on a identifié d'autres centres de la préhistoire que la Nouvelle-Aquitaine. On parle souvent du 45e parallèle comme une limite, du moins pour les temps les plus anciens. 45e parallèle qui passe grosso modo non loin de Bordeaux. Oui, quasiment à Bordeaux. 45e parallèle, c'est un des facteurs qu'on peut aussi évoquer, la douceur du sud-ouest. Quand on dit la douceur du sud-ouest, c'est pratiquement valable pour toutes les périodes, y compris les périodes très froides, très rigoureuses, de crise climatique qu'ont connu les hommes de la préhistoire paléo-mésolithique. Parce que dans le sud-ouest de la France et dans le sud-ouest de l'Europe, d'une manière générale, la corniche cantabrique prolonge le sud-ouest de la France à peu près pareil. Cette douceur fait qu'ils ont échappé à des phénomènes d'érosion. Par exemple, il y a aussi une douceur dans le sud-est. En Provence, c'est aussi doux, et même peut-être plus. Mais il y a de la torrentialité. Il y a un climat méditerranéen qui est un petit peu plus érosif pour les sites archéologiques. Et en milieu atlantique, ce milieu aquitain est un petit peu plus favorable à la préservation, à la sédimentation, à la conservation des dépôts qui contiennent les niveaux archéologiques de la préhistoire ancienne. À quel moment l'homme arrive-t-il en Aquitaine ? D'ailleurs, quel serait le plus vieux vestige que vous présentez dans votre guide ? La Nouvelle-Aquitaine cumule quelques records, mais alors pas celui de la plus ancienne occupation, ni en Europe, ni en France d'ailleurs. Assez curieusement, la Nouvelle-Aquitaine ne rivalise pas tellement sur ce créneau de l'ancienneté. Non, il y a d'autres sites en France, dans d'autres régions d'ailleurs. Alors là c'est très compliqué. Hein. Les sites très anciens, au-delà de 400, 500 000 ans, comment dire, il y a des concours de circonstances assez inouïes qui font que ça s'est préservé, que ça s'est découvert, que ça s'est identifié, que ça s'est daté. Et la Nouvelle-Aquitaine ne rivalise pas. Les plus anciens sites en Nouvelle-Aquitaine ne sont pas plus ancien que dans le reste de la France, peut-être un petit million d'années, mais ce sont des découvertes de surface, des vestiges assez mal datés. Il n'y a pas de niveau très ancien et encore moins de restes humains très anciens qui sont au-delà de 400 000 ans, 500 000 ans en Nouvelle-Aquitaine. L'Aquitaine est à l'origine de la préhistoire. Nombre de cultures portent les noms de sites issus de cette région. On pense bien sûr au Moustier et le Moustérien, la Madeleine et le Magdalénien. Oui, la liste est très longue. En fait, la liste est tellement longue qu'il y a très peu de cultures qui portent des noms autres que ceux de l'Aquitaine, parce que vous venez de l'évoquer, c'est la région ou l'une des deux régions qui a connu les recherches les plus précoces. Donc voilà, il y a que l'Acheuléen. L'Acheuléen, c'est dans Picardie, mais sinon après, on peut pratiquement défiler toute la pelote de la préhistoire paléolithique jusqu'à l'aube du Mésolithique, et on va pratiquement y retrouver toutes les cultures où les préhistoriens préfèrent maintenant parler de technocomplexe, un terme un petit peu plus neutre. Enfin, les cultures de la préhistoire. C'est plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué, mais à l'exception de l'Aurignacien. Voilà, il y a l'Aurignacien, Châtelperronien qui sont extra, on va dire, aquitains, mais tous les autres, Magdalénien, Gravessien, Badgoulien, il y a le Solutréen aussi qui est en Bourgogne. Mais il en reste une bonne dizaine, et donc ils sont tous référencés dans ce guide, puisque ce guide, en fait, oui, c'est à la fois un dictionnaire, mais aussi un guide, et donc il y a des encarts pour chacun de ces sites éponymes et des cultures qui sont associées. C'est une préhistoire qui a été faite par des prêtres et des instituteurs. Il faut peut-être citer Péroni. Oui, ça me fait plaisir qu'on évoque Péroni en premier, et je pense que c'est un de mes personnages préférés, parce que énorme admiration sur non seulement sur la précocité de ses travaux, mais sur la clairvoyance des hypothèses qu'il a émises. Bien sûr, elles ont été un petit peu bousculées, même percutées par des datations plus actuelles qui remettent un petit peu en question, mais les grands tableaux chrono-culturels de Denis Péroni des années 30, moi je les explique toujours en cours. Ils sont toujours à peu près valables, en tout cas dans leur grand fondement. Bien sûr, on les actualise. Il y a eu des découvertes complémentaires, notamment dues à l'archéologie préventive des sites de plein air, qui sont venus compléter des morceaux de la chronologie qui ne sont pas présents dans les abris sous roche étudiés par Péroni. Mais franchement, Péroni, immense admiration pour l'œuvre du personnage. Un instituteur ? Instituteur aux Aisy. Alors là, ça ne s'invente pas. Et en plus, il était natif d'une paroisse qui s'appelle Cussac. Cussac étant un petit village à côté de Buisson-de-Cadouin. Et donc, on a découvert, en travaillant dans la grotte de Cussac, qu'il était originaire, en tout cas sa famille était en partie originaire de cette paroisse, qui n'est plus une commune, mais une paroisse de Cussac. Donc voilà, c'est un homme du Périgord noir, et il était aux premières loges de la documentation qui lui tendait les bras. Donc bien sûr, tous les préhistoriens passent dans cette région, l'abbé Breuil, François Borde et tant d'autres. Ce sont des milliers, des millions, peut-être même des milliards d'objets qui ont été extraits des abris sous roche, notamment de la préhistoire de la région aquitaine. Où est ce matériel aujourd'hui ? Souvent dispersé dans des collections anciennes, privées, publiques, à l'étranger ? Il y a la réponse dans votre question. Oui, c'est à la fois des milliers, des milliards. Je pense que le chiffre est... Je ne sais pas si un jour on pourra estimer ce chiffre. Ça se compte certainement millions d'objets. Alors on peut peut-être quand même citer en premier, et en plus ça tombe bien parce que l'actualité l'évoque, c'est le centenaire du Musée National de Préhistoire des Aisy. Et en demain. Plus, c'est Denis Péroni qui en est le créateur. Et ce musée est le plus riche de France, d'Europe et peut-être même du reste de la planète pour la préhistoire paléolithique. Heureusement, et justement à partir des années Péroni, ça s'est bien centralisé. Il y a une volonté de centraliser le dépôt, le don des collections vers le musée national. Mais vous avez raison. D'abord, il y a d'autres musées. Il n'y a pas que les Aisy, parce que je pense que Périgueux, Sauveterre-Lallemance, Brive, Lussac-les-Châteaux, Poitiers et d'autres ont aussi des collections très riches. Il y a des collections privées, bien sûr. J'allais dire un peu hélas, parce que souvent, c'est pas le fait que ce soit en fonds privés, mais les privés, une fois qu'ils disparaissent, leurs héritiers parfois sont un peu démunis, et il y a une dispersion des collections à partir du moment où il y a des transmissions comme ça de patrimoine privé de génération en génération. Alors, le musée des Aisy a des pièces absolument tout à fait extraordinaires. Moi, personnellement, j'y ai vu un bœuf musqué en ronde bosse absolument extraordinaire. Vous avez vu d'autres choses, vous? Oui, alors peut-être peut-être un mot sur ce bœuf musqué, parce que c'est quasiment la seule... Rarissime. Oui, c'est rarissime. D'abord, bœuf musqué, c'est déjà rarissime. C'est une espèce qui n'est pas souvent représentée par les artistes de la préhistoire paléolithique. Mais en plus, il est en ronde bosse. Il vient de Laugerie Haute, me semble-t-il. Et en plus d'un niveau où il y a très peu d'œuvres d'art. Enfin, il cumule les raretés, cet ovibos. Bien sûr, il y a le musée national. Oui, il y a des merveilles. Il y a des objets absolument, forcément par nature unique, mais il y a notamment des pièces exceptionnelles. Il y a un parcours d'ailleurs qui les flèche avec des petites étoiles et qui donne des espèces de labels d'excellence à certaines pièces. Moi, j'ai un faible pour au second étage, là, au-dessus du fil du temps, il y a des pièces extraordinaires d'art mobilier, d'art sur bloc. C'est la plus grosse série d'art sur bloc et les plus anciens, parmi les plus anciens qui existent, qui sont même antérieurs à Chauvet au niveau de leur datation. Voici plus de 150 ans que les archéologues et les préhistoriens passent et repassent sur les célèbres gisements. Y a-t-il encore quelque chose à fouiller ou faut-il désormais se tourner vers d'autres sites ? Jacques Jobert. Oui, bien sûr. Mais alors là, sans hésiter une seconde, assez curieusement, j'ai longtemps été un peu en retrait de cette tendance à reprendre des fouilles dans des sites classiques de référence parce que j'ai une formation en préhistoire qui est celle de Paris, Paris 1, et à Paris 1, voilà, on ne jure que par Pincevent, Étiole et les grands sites de plein air qui sont plutôt des découvertes récentes. Reprendre des sites qui ont déjà été en partie fouillés, ça peut se discuter, ça fait l'objet de débats au niveau du Conseil national de la recherche archéologique. Depuis que je suis à Bordeaux, je comprends beaucoup mieux cette impérieuse nécessité de reprendre des sites, de reprendre ce qu'on appelle des archéoséquences. En plus, le Périgord regorge de ces archéoséquences et nous avons besoin d'y revenir, tout simplement parce que les méthodes ont évolué. Les datations ne sont plus les mêmes, les analyses qu'on peut y mener ne sont plus les mêmes, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, c'est même pas 50 ans, en 10 ou en 7-8 ans, tout a évolué. Il y a une résolution de la finesse des résultats qui ne cessent de progresser. Donc, en permanence, les équipes reviennent sur ces fameuses archéoséquences que sont le Moustier. Saluons le travaux de nos collègues Brad Gravina et Manuel Discan au Moustier. C'est remarquable ce qu'ils ont fait. On peut citer la Ferracie, Roc de Marsal, les sites de Charente. Et là, c'est le nom de Harold Diebold. Les collègues américains ont beaucoup contribué à cette reprise des sites. Hein, et notamment Harold Diebold, Art Jelinek sur des sites classiques de Charente comme la Kina, Fontéchevade et bien d'autres. Il y a d'autres grands programmes autour de la préhistoire de l'Aquitaine. Ah oui, bien sûr. Alors, il faudrait plutôt interviewer mes collègues du service régional de l'archéologie, mais évidemment, je suis un peu au courant de ce qui se passe dans cette région. Si vous voulez, en Nouvelle-Aquitaine, quand on dit Nouvelle-Aquitaine, c'est donc, il y a quelques spots comme ça de concentration documentaire. On a mentionné les Aisy, mais il y a d'autres régions. Il y a des régions, par exemple, que je considère en devenir. J'en cite souvent une, c'est la Charente-Maritime, la Saintonge. Peut-être qu'il y a autant d'abris sous roche fameux en Charente-Maritime qu'aux Aisy, mais ils ne sont pas découverts, ils ne sont pas identifiés, uniquement pour des raisons géomorphologiques, parce qu'il y a des formations de versants qui viennent dissimuler ces richesses. Et donc, on a comme ça, en Nouvelle-Aquitaine, et dans d'autres régions probablement aussi, hein, des trésors qui sommeillent et qui pourraient combler des lacunes pour nos chronologies. On a forcément des lacunes. Il y a certaines parties de la préhistoire qui sont très bien connues. On peut citer l'exemple de l'Aurignacien. Il y a eu beaucoup de travail sur l'Aurignacien. L'Aurignacien, c'est non pas la première culture de l'homme moderne, mais plutôt la deuxième voire la troisième, qui correspond à la grotte Chauvet. Et on a beaucoup... Alors peut-être qu'il y a eu un effet Chauvet. On est revenu sur les sites aurignaciens pour comprendre un peu la société qui a pu produire Chauvet. Et peut-être qu'il y a d'autres segments de la chronologie qui sont un petit peu en retrait, qui mériteraient d'être remis sous les feux des projecteurs. Hein. Je pense au Solutréen, notamment. Il y a très peu de fouilles sur le Solutréen en ce moment, en Nouvelle-Aquitaine. Il faudrait peut-être un peu revenir sur cette période extraordinaire. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Jacques Jobert, j'évoquais les phénomènes karstiques, ces karstes qui fabriquent des cavités et des grottes. Celles du Périgord et de Dordogne sont bien sûr mondialement connues, mais il y en a quantité d'autres. Par exemple, tout en haut de votre région, le Poitou, avec les vallées de l'Anglin ou de la Gartempe, à Lussac-les-Châteaux par exemple, des grottes et abris sont par exemple bien présents. Oui, tout à fait. J'avoue que je n'ai pas découvert ces régions. question, mais en coordonnant, en préparant ce guide, ça m'a permis de soit d'y revenir, parce que je les avais visités il y a un petit peu longtemps, puis dans d'autres circonstances, j'ai pris rendez-vous avec des collègues, certains m'ont consacré du temps, vous citez la Vienne, Hello Poitou, avec Angle sur l'Anglin, la région de Lussac-les-Châteaux, allez visiter le petit musée de préhistoire à Lussac-les-Châteaux, il est très intelligent. Qui est un musée national, et qui est très beau. Il est très bien fait, il est très intelligemment proposé. Et on y découvre donc les merveilles de la grotte de la Marche, c'est bien ça ? Exactement, les merveilles de la grotte de la Marche. Et en plus, alors ils ont une intelligence à Lussac-les-Châteaux, c'est que non seulement il y a ce petit musée qui sert, enfin c'est petit, pas si petit que ça, hein, ce musée qui sert un petit peu d'accroche pour pénétrer ce paléolithique du Haut-Poitou, mais après on peut visiter des sites qui sont en accès libre avec, voilà, il y a un circuit avec un panneautage et puis des panneaux qui sont très bien faits. Alors évidemment, ce sont des abris qui sont en partie vidés, il n'y a plus grand-chose à voir, mais on peut aussi prendre rendez-vous pour visiter notamment la grotte de la Marche, et il y a une grotte aussi avec quelques peintures. Alors sous rendez-vous, hein, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu sélectif, mais en tout cas c'est une préhistoire qui mérite d'être évoquée et de doubler un petit peu les hésibles. Et en fait, des Lussac-les-Châteaux, il y en a plein en Nouvelle-Aquitaine. Hein, je ne sais pas si j'ai un petit peu de temps pour en citer d'autres, mais si on prend l'exemple du Lot-et-Garonne, sur le Haut-Agenais, il y a la région de Sauveterre-la-Lémance, il y a la même chose. Il y a un site ouvert au public, il y a un panneautage, un fléchage. Le musée de Sauveterre est extrêmement intelligent. Dans les Landes, évidemment, Brassempouille, la Chalosse, l'abbaye d'Artus, où il y a maintenant une très belle présentation des œuvres d'art de Magdalena de Durruti. Voilà, comme ça, on peut décliner plusieurs autres points forts de la géographie préhistorique néo-aquitaine. On le sait, Lascaux est fermé. Nombre de grottes peuvent toutefois être encore visitées. Mais jusqu'à quand ? Ah ben ça, écoutez, sauf catastrophe climatique ou conservatoire, on peut espérer que des grottes comme les Combarelles, Fonds de Gaume, où il y a déjà une mini-persélection, il y a quelques dizaines de visiteurs par jour, je crois que c'est 200 visiteurs jour maximum, dans des groupes qui sont très comptés, avec un temps de présence qui est très compté. Il y a une surveillance quotidienne et même minutée du climat de la grotte pour voir s'il n'y a pas de soucis conservatoires. Donc, pour le moment, écoutez, il n'y a pas de raison que des grottes comme Fonds de Gaume, l'abri de Cap Blanc, les grottes d'Isturitz, où il y a aussi un petit peu d'œuvres qui sont présentées au public, ferment. Il y a près de Bordeaux, citons Pernompère. Alors Pernompère, je pense que ça pose vraiment très peu de problèmes, parce que Pernompère, c'est une grotte à gravure qui est ouverte sur l'extérieur. Il n'y a pas les problèmes qu'on a pu connaître à Lascaux. Donc il reste quand même suffisamment de sites, abris ou grottes ornées, décorées, peintes, gravées, qui sont encore ouvertes au public. J'espère qu'elles le seront encore assez longtemps. Il faut préciser aussi que toutes les grottes n'appartiennent pas à l'État. Certaines sont privées. Oui, oui. Alors, les grottes du Périgord sont presque toutes en domaine public, sauf Rouffignac, mais la famille Plassard veille sur cet héritage avec beaucoup de précautions conservatoires, et puis c'est une grotte immense qui ne pose vraiment aucun problème conservatoire, qui a pratiquement été toujours ouverte à l'extérieur. Il y a Barabao aussi, qui n'est pas une grotte publique, qui est dans le sud, près du Bugue, en sud Périgord, enfin presque en sud Périgord. Et puis, il y a d'autres grottes, effectivement, qui appartiennent soit à des collectivités, soit... Et après, c'est très compliqué parce que j'ai découvert des têtes une sorte de typologie des propriétaires et des institutions qui veillent et qui ouvrent ces abris ou ces grottes ornées. Il y a le Centre des Monuments Nationaux, il y a des grottes qui appartiennent à l'État et qui ne sont pas ouvertes au public, à des collectivités ou à des privés avec différents statuts. Tout ça est assez compliqué en fait. Et qui sont en plus inscrites ou classées monuments historiques, ou même protégées ou inscrites sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Donc, il y a comme ça toute une ribambelle de labels qui rendent le tableau assez compliqué. Puisque nous évoquons les vallées, restons-y. Les préhistoriens aiment parler de la notion de refuge, zone de repli dans les phases climatiques les plus rudes. La vallée de la Vézère pourrait-elle être un, justement, de ces milieux très privilégiés ? Oui, oui, indiscutablement. Là, je crois que ça fait consensus dans la discipline. Repli, c'est-à-dire qu'on viendrait d'un autre milieu un peu moins favorisé et en cas de crise climatique, on se replierait en Vézère. Ça, c'est oui et non. Ce qu'on constate, c'est que dans la chronique des occupations paléolithiques, il n'y a pas de phase d'interruption. Il n'y a pas de lacune de peuplement. Et ça, finalement, c'est assez rare parce que ça ne concerne qu'un tiers méridional de l'Europe. Et ce tiers méridional de l'Europe s'arrête justement avec le sud-ouest de la France et s'arrête à peu près, justement, on parlait d'angle sur l'Anglin, voilà. Ça s'arrête dans le nord de cette nouvelle Aquitaine, puisqu'après, on arrive dans des régions où on a un peuplement qui est en pointillé, qui est interrompu, et dès qu'on a des phases de froid, et Dieu sait s'il y a eu des phases de froid très sévères, ce qu'on appelle des pléniglaciaires, on est en plein glaciaire, et bien là, on a une disparition des peuplements pour le grand tiers nord de l'Europe, et ce grand tiers nord de l'Europe commence à peu près avec la vallée de la Loire. Jacques Jobert, l'art paléolithique est exceptionnel en Périgord. On évoque alors toujours les grands sanctuaires. Changeons de braquet et évoquons l'abri Castanet, avec des œuvres qui seraient plus vieilles que ceux de la grotte Chauvet en Ardèche. Oui, alors j'hésite un peu à vous avec un oui un peu franc et très autoritaire, parce qu'en fait ça se joue sur très peu de choses, mais effectivement la grotte Chauvet c'est à peu près 36 000 ans, des fois je vois passer 37 000, mais arrondissons à 36 000 ans avant le présent, hein. 36 000 ans avant le présent, c'est pas l'Aurignacien ancien. L'Aurignacien ancien, c'est 40 000 ans, c'est 41 000 ans. Et il y a même du proto-Aurignacien qui est plutôt 41, voire 42 000 ans. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs milliers d'années d'Aurignacien avant la grotte Chauvet. Donc voilà, il faut aller chercher cet Aurignacien pré-Chauvet, antérieur à Chauvet. Et justement, les candidats, bah, ils sont notamment en Périgord avec... Alors, vous citiez Castanet, l'abri Castanet, effectivement, dans le vallon de Castelmerle. Il y a également l'abri Cellier, pas loin de la Vézère. Et il y en a comme ça, il y a la Ferracie. Il y en a 4 ou 5 comme ça qui sont concentrés autour des Aisy. On les connaît depuis très longtemps. Le problème, c'est que les fouilles sont assez ancienne. Alors, Randall White, qui a repris des travaux sur la plupart de ces sites, a pu retrouver des niveaux, a pu obtenir des datations, et notamment pour Castanet ou Cellier, on a effectivement des datations qui sont légèrement antérieures à Chauvet. Effectivement, on est à 37, 38 000 avant le présent. La grotte de la Moutte, aux Aisy, c'est la grotte qui révèle l'art paléolithique en France. Donc, bien sûr, un peu après la découverte d'Altamira en Espagne. Une grotte aussi exceptionnelle. Oui, la Moutte occupe une place privilégiée, surtout dans l'histoire de la recherche. Après, la Moutte, une fois qu'on a évoqué cette historique des travaux, et en fait, la Moutte est associée à cette fameuse anecdote, enfin, c'est presque une anecdote, mais ce fait important, mais à coup pas d'un sceptique, où les préhistoriens français, notamment Émile Cartaillac, finissent par reconnaître qu'ils se sont trompés, et ils se sont trompés pendant presque plusieurs décennies, hein. Enfin, c'est pas pendant 6 mois, il y a eu entre le moment de la découverte d'Altamira et le mea culpa d'un sceptique en 1902 à la grotte de la Moutte à l'occasion du congrès de la FAS à Montauban, il s'est passé quand même un certain temps. Et donc, du coup, la Moutte est devenue une espèce de célébrité par rapport à cette reconnaissance de l'art pariétal. C'est tout simplement qu'on retrouve une lampe avec une figuration qu'on retrouve aussi sur le mur. Oui, il y a une lampe avec une figuration d'un bouquetin qui est sur le revers de la lampe, et la gravure de ce bouquetin évoque par son style, ses conventions, son graphisme, des gravures qui sont sur les parois. Et donc, le fouilleur fait dialoguer l'art mobilier avec l'art pariétal, et ça permet de confirmer que l'art pariétal est bien attribuable à une phase ancienne du paléolithique récent. Voilà, donc la Moutte, c'est assez décisif dans l'histoire de la reconnaissance de l'art préhistorique. Jacques Jobert, vous, en tout cas, vous n'êtes pas trompé. Vous étudiez la grotte de Cussac, une grotte gravétienne, allez, environ 25 000 ans. Tout à fait exceptionnel, j'ai eu la chance de m'y rendre. Oui, 25 000, alors 25 000, c'est, excusez-moi, mais c'est un peu un ancien franc, maintenant c'est 30 000 ans, parce que 25 000 ans, c'est l'âge carbone 14 non calibré, donc en âge réel calendaire, c'est 30 000 ans avant le présent. Et oui, c'est un site exceptionnel, parce qu'il est dans son jus, la grotte a été fermée certainement très peu de temps après que les groupes du Gravétien ont quitté cette grotte, et en plus, cette grotte recèle des vestiges absolument extraordinaires, il y a un art pariétal fabuleux, avec des gravures. Des gravures monumentales. Et puis, il y a des dépôts de restes humains. Et ça aussi, c'est quasiment unique. En tout cas, à cette échelle-là, on a 6 individus qui ont été déposés dans des bauges d'ours et qui sont à peu près contemporains des gravures. Et puis, voilà, la grotte est extrêmement bien conservée. Donc, ça permet de faire des prospections d'une très haute résolution. Un programme que vous continuez. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est toujours en cours. Et on a en fin de programme triennal qui s'achève en 2023-24. Et après, on devrait repartir sur une nouvelle programmation, mais Oui, oui, bien sûr, Cussac est toujours en cours d'actualité scientifique. Hormis Cussac, parlons un peu de fossiles, et Dieu sait s'il y en a quantité de Néandertal et Sapiens qui ont été découverts donc dans votre région. On ne va pas parler de Cro-Magnon, mais il a été quand même trouvé là. Oui, il y a Cro-Magnon. Alors, Cro-Magnon, c'est encore les Ésies, donc le site est très connu, je pense qu'il n'a pas besoin de promotion supplémentaire. Il y a d'ailleurs un petit musée que je trouve assez bien fait. Il y a le Néandertalien du Rigordou. Oui, il y a le Néandertalien du Rigordou. Il y a une petite évocation muséographique qui est assez bien faite à Cro-Magnon, qui présente intelligemment la découverte, les conditions de la découverte. Rigordou, oui, bien sûr, Rigordou, et les vestiges de Rigordou sont présentés au musée à Périgueux, les originaux, donc c'est assez spectaculaire et c'est tout à fait exceptionnel. Et puis, peut-être un petit saut en Charente. En Charente, en fait, là, c'est pas le Périgord qui a livré le plus de restes néandertaliens, c'est la Charente. Il y a peu de gens connaissent ça. Et en fait, il y a plus de restes néandertaliens, de sites à restes néandertaliens en Charente qu'en Périgord, et ils sont extrêmement bien présentés aussi au musée d'Angoulême. Contrairement au Périgord, la Charente a assez peu de sites ouverts au public. Et donc, il faut aller plus tôt. Alors, on peut circuler dans la vallée de la Tardoire et deviner la richesse des sites, mais il faut surtout aller au musée d'Angoulême, voir ce matériel qui est bien présenté. Et puis, donc, si l'on parle de fossiles, il faut peut-être parler donc du Néandertalien, de la toute fin de Néandertal qui aurait été trouvé à Saint-Césaire. Oui, oui, oui. On peut enlever le conditionnel. C'est bien un des plus récents Néandertaliens de France, d'Europe. Longtemps attribué au Châtel-Péronien. Maintenant, on sait que cette attribution doit être plus que remise en question. Probablement, il fait partie d'une ultime présence néandertalienne, mais néandertalienne moustérienne. Le Châtel-Péronien, moi je pense, et je ne suis pas le seul, et je crois qu'on est de plus en plus nombreux à penser que les auteurs du Châtel-Péronien sont les premiers hommes modernes. Et donc, à Saint-Césaire, nous avons effectivement un Néandertalien extrêmement récent. Et donc ça, c'est intéressant parce que d'un point de vue squelettique, anatomique, biologique, ce sont les Néandertaliens les plus typés, les plus typiques de la fin du cycle de la néandertalisation. L'archéologie préventive exhume un nombre considérable de gisements préhistoriques lors de l'aménagement du territoire. Leur vocation n'est bien sûr pas d'être présentée puisqu'ils sont détruits. Cela montre tout d'abord que les sociétés préhistoriques ne vivaient pas exclusivement dans des grottes. Et bien sûr, bien sûr. Et longtemps, la préhistoire périgourdine et même aquitaine a été synonyme d'abris-sous-roches et d'entrées de grottes. Et nous savons maintenant, depuis les années 70, et c'est devenu presque systématique à partir des années 80-90, avec le passage de la 89 entre Bordeaux, Périgueux, Brive, et puis surtout les deux déviations de Bergerac, ou même trois, enfin il y a trois contournements de Bergerac, qui ont livré des séquences paléolithiques. Alors, elles sont intéressantes parce qu'elles sont en plein air. Et donc, on a des types d'occupation, des types de gisements et même des périodes qui étaient peu connues, peu documentées sous les abris sous roches. Et donc ça permet comme ça de compléter nos tableaux. Le tableau s'est sacrément complexifié avec l'étude de ces sites de plein air de l'archéologie préventive. Dans votre guide figurent maintes entrées. Hormis les sites, on peut y découvrir des objets, des thèmes forts bien sûr de la préhistoire. Finissons par une curiosité. François Borde a été le grand préhistorien de l'Aquitaine. Il fut aussi un auteur de science-fiction sous le nom de Francis Carsac, nom de la commune où il est enterré. Sur sa tombe, une vraie curiosité. Ben oui, j'ai évoqué dans ce guide, il y a comme ça deux, trois entrées sur des personnages qui ont vraiment marqué l'histoire de la préhistoire, et notamment le couple François Borde, qui avait leur maison à Carsac, qui sont enterrés l'un et l'autre dans le cimetière de Carsac. Et les préhistoriens passent régulièrement déposer un objet en silex taillé sur cette tombe pour marquer la mémoire du grand préhistorien. Jacques Jobert, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Préhistoguide Nouvelle-Aquitaine, donc paru aux éditions Confluence. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Jean-Guilain Meige, bien sûr, avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.